Vous êtes blues rock? Alors rendez-vous tous les jeudis de 18h30 à 20h sur RQC 95 FM dans l'émission Telling You. Telling You, avec Marie et Francis. Vous aurez du blues, vous aurez du rock, vous aurez du blues rock. My pretty baby, she's the way I dream. Pretty little thing you ever did see. My baby knows how to dress so neat. Stop the traffic on the street. My pretty baby, she's so fine. Brought our sight to the blind. Found my baby 3 years ago. She gave me the key to her door. Chers auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien sur RQC 95 FM dans l'émission Telling You. Avec moi, comme tous les jeudis, Francis aux manettes. Francis aux manettes, bonsoir à tous, bonsoir Marie. Et ce soir, Telling You, Francis, si tu le veux bien, ce sera un peu d'agenda, avec forcément la musique à faire écouter, puis quelques nouveautés que tu nous as ramenées. Quelques nouveautés, oui, elles sont fraîches de l'année, disons. Elles ne sont pas d'hier, mais elles sont de cette année. Et alors je prendrai la part agenda parce que vous savez que c'est mon dada. J'aime fouiner à la recherche de dates de concert à vous présenter et bien sûr à mettre sur notre site internet piqueblues.fr. Found my baby 3 years ago. She gave me the key to her door. Found my baby down New Orleans. Pretty little thing on the TV screen. Avant de commencer avec la première nouveauté de Francis, je voudrais vous dire que ce soir, il y a un concert là, de l'autre côté de la rue, au Centre culturel Moucronois. Un concert de blues, forcément. Ça commence à 20h30 avec The Two. L'un est mauricien, l'autre est suisse, mais leur complicité fait oublier les frontières. Ils ont une musique qui est tantôt sauvage, tantôt douce, un appel au voyage et aux sonorités métissées. Donc ça commence à 20h30, 1h30 de concert en formule soirée cabaret pour un prix de 12 ou 15 euros. Voilà pour ce soir, pour la première date de concert. Par contre, là, je suis désolée, je n'ai pas de musique à vous faire écouter. Alors Francis, de qui veux-tu nous parler? Ben, moi, j'ai de la musique à vous faire écouter. C'est un monsieur qui s'appelle Mike Brookfield. Et il a sorti un album là, en octobre. Cet album s'appelle Brookfield. Et c'est un, à mon avis, c'est un Américain qui a traîné déjà depuis un petit moment ses bottes et sa guitare dans les clubs de jazz, de blues, New York, Californie, enfin bref, là il a décidé de se consacrer à lui-même et de composer, écrire la musique et sortir un disque. Maintenant il est installé en Irlande. Et il a sorti, donc je vous dis, cet album à Brookfield, en cette fin d'année. Là, et il aurait dû être, peut-être y est-il, ce soir, la traverse à Cléon, en première partie du concert de Robin Trower, qui, lui, par contre, fait défaut, n'est-ce pas, oui. Robin Trower. Oui. Robin Trower a été hospitalisé, mais par contre, j'ai vu que c'était Van Wilkes qui était à la traverse. Eh bien, dépêchez-vous, vous pourrez voir Mike Brookfield à la Traverse, à Cléon, c'est en Normandie, hein. Bon, c'est vite fait, un petit coup d'hélicoptère. Et alors, je vous propose là un titre de cet album de Mike Brookfield, ça s'appelle Gun Crime, il y en aura peut-être un deuxième après, non, on verra. Gun Crime, Mike Brookfield. Voilà, Mike Brookfield. Et puis après intense concertation, on s'est dit, bah oui, on va en passer un deuxième. On aura de quoi meubler toute l'émission. Un deuxième extrait de l'album de Mike Brookfield qui s'appelle Brookfield. Et le titre s'appelle pas Brookfield. Celui qui vient, c'est Zombie Craze. Alors, je vous promets pas qu'il est aussi péchu que le premier, mais on va découvrir ça ensemble. Mike Brookfield, Zombie Craze. We'll be right back. Et finalement, on a démarré très fort avec Mike Brookfield. Ça va donner ce soir à la traverse avec Van Wilkes. Mike Brookfield, c'était donc Zombie Craze. Allez, autre chose maintenant. Alors, on continue avec l'agenda. Nous étions pour ce soir au Centre culturel Moucronois et nous y restons puisque la Nuit du Blues aura lieu cette année, le 2 décembre, avec trois groupes. Fernando Neris, Grey and Grumpy et Trudy Lynn. Fernando Neris est un bluesman espagnol qui est installé en Belgique depuis 2000. Il aime la slide et le finger picking. Ses musiques tournent autour de sont des reprises, entre autres de Blind Lemon Jefferson, Robert Johnson, Skip James. Voici ce que ça donne. cette nuit du blues commencera en douceur avec Fernando Neris, donc origine espagnole, mais qui vit en Belgique depuis 2000. Ça commence à 20h30. Après Fernando Neris, il y aura Graham Grumpy, du Vintage Blues and Rootsy Music. Nos trois compères belges comptent près de 210 ans au compteur, donc à eux trois, mais leur spontanéité et la fraîcheur de leur concert donnent plutôt à croire qu'ils sortent du collège. Alors, ils m'ont envoyé un morceau, mais malheureusement, il n'est pas passable sur les ondes, donc vous les découvrirez le 2 décembre. Pour la nuit du blues au centre culturel Moucronois. Et cette nuit se terminera avec Trudeline. Très jeune, elle s'est prise de passion pour le blues qu'elle fusionne volontiers avec la soul. Aujourd'hui, à 70 ans, elle a toujours une voix aussi puissante et expressive. Trudeline. À Moucron, au centre culturel Moucronois, le 2 décembre. Ça commence à 20h30 et les tickets d'entrée sont au prix de 17 et 20 euros. Et aux pauses et après les concerts, vous pouvez retrouver le DJ Patrick Dallongeville, que vous connaissez bien, puisqu'il vient tous les ans présenter sa programmation Blues en Or. À toi, Francis, une dame encore, si je ne me trompe. Encore une dame, oui, qui s'appelle Hurricane Ruth. Ça, c'est son prénom, Hurricane Roots. Et son nom, c'est Lamaster. Et elle dédicace son album à Monsieur Milt Lamaster Senior, qui était son papa, qui apparemment Elle a mis sur la voie de la musique parce que cette dame, elle a déjà aussi pas mal traîné sa bosse dans le blues, dans le rock. On l'a chantée avec. C'est une chanteuse, hein, elle ne joue pas les guitares, mais elle a joué ou en tout cas accompagné au chant Johnny Hooker, B.B. King. Oh, alors Fenton Robinson, des noms que je ne connais pas, Willie Dixon par exemple, hein, c'est vous dire si elle n'est pas toute jeune, mais elle a encore de la voix dans le blues et mais aussi dans le rock. Elle s'est très bien rockée sur cet album qui s'appelle Ain't Ready for the Grave, hein, pas prêt pour la tombe, Madame Hurricane Roots. Elle vous propose de présenter Hard Rocking Woman. Voilà, c'est ce qu'elle est, une Hard Rocking Woman, Hurricane Roots. A girl. Ça, c'est de la voix, hein. Hurricane Root. Son album, il est sorti là, en début d'année sur le label, c'est quoi, Galaxy. Enfin, en tout cas, c'est distribué par Blind Raccoon. Il est sorti en début d'année, au mois de mars, je vous disais. Et il a été enregistré à Nashville avec Monsieur Tom Hambridge, la production et à la batterie, puisque c'est un batteur, producteur. Tom Hambridge, il a produit beaucoup de bluesman, dont je l'ai dit la semaine dernière, il me semble, j'en ai parlé aussi, Buddy Guy. Enfin bref, c'est que de la qualité. Il est donc à la production, Tom Hambridge, et puis à l'écriture aussi, à la musique, pas mal. Il a composé des chansons avec Hurricane Smith, qui elle, Hurricane Roots, qui écrit les textes et Hambridge la musique. Et cet album, il est très très intéressant. Alors très blues par moment, mais blues bien péchu, et puis rocking, très rock, comme ce hard rocking moment qu'on vient d'entendre. Et voilà, on va en écouter un petit deuxième, parce que ça fait toujours plaisir d'avoir des belles voix féminines comme ça. Hurricane Roots, Let Me Be The One. She's got you on the run. Hurricane Runes, oh, c'était encore un très bon morceau celui-là. Let Me Be The One, ça groovait bien. Voilà, Hurricane Runes, je vous le conseille. Hein. Ain't Ready For The Grave, qui est sorti en ce début d'année, là, vers le mois de mars, distribué par CD Baby. Mais voilà, alors Hurricane, comme l'hurricane, comme l'ouragan, là, et Roots, R-U-T-H, Hurricane Roots. On passe maintenant encore de l'agenda, un peu d'agenda. Oui, de l'agenda. Ouais. Je vous amène à Saint-Saulve, près de Valenciennes, pour deux nuits du blues pour cette année, qui ont eu lieu ce vendredi 24 et ce samedi 25. Le 24, ça commence avec Carl Wyatt, qui sera seul sur scène, donc ce sera pas mal de slide guitare également. Puis le groupe belge The Blues Bones, et enfin Arnaud Frada and his Roots Combo, ce sont des Français. Donc c'est à l'Espace Athéna à Saint-Saulve, on commence avec les Belges The Blues Bones. For my broken down car, you know I left my baby, 'cause I had to follow my dream. Play some music like you ain't, never seen. We'll be right back. Voici donc pour The Blues Bones, groupe belge qui sera le 24 novembre à la Nuit du Blues in Athéna, à l'espace Athéna à Saint-Solve, près de Valenciennes. Et la tête d'affiche, c'est notre ami français Arnaud Fradin, and his Roots Combo. C'est son nouveau groupe, son nouveau projet du moment, puisqu'on l'a beaucoup passé avec Malton Milk. C'était des titres plus soul, et là, on reste dans le Roots, forcément. Voici ce que ça donne. Voilà donc pour Arnaud Fradin and his Roots Combo. Samedi 25, deuxième nuit du blues in Athéna pour cette année, avec trois groupes, les Français Rosedale, les Hollandais Philbys Freedom et l'Américain Van Wilkes. On commence avec Rosedale. Is this the road to my redemption? to find me in sweet home. Takes a lot to make my world around. Rosedale, que l'on vient d'écouter, c'est le nouveau projet de l'excellent guitariste français Charlie Faber. Il est accompagné, donc là, ils étaient en duo avec la chanteuse Amandine Rosiz et ils se présentent en quintet. Après Rosedale, nous retrouverons donc sur scène à l'Espace Athéna à Saint-Saulve, Philby's Freedom. I got Tête d'affiche de ces deux nuits du blues à l'espace Athéna à Saint-Saulve n'est autre que l'excellent guitariste texan Van Wilkes. Thank you. Si la musique de Van Wilks vous plaît, rendez-vous samedi 25 à l'Espace Athéna à Saint-Saulve. C'est près de Valenciennes. Ben moi, elle me plaît. Hein. Ah oui, et nous y serons d'ailleurs. Et on continue, on reste aux États-Unis avec toi, Francis. Oui, alors avec deux messieurs plus ou moins géants du blues, enfin en tout cas de la nouvelle génération blues. C'est monsieur Mike Welch, plus connu sous le nom de Monster Mike Welch, et monsieur Mike Ledbetter. Alors Monster Mike Welch, il est guitariste, et Mike Ledbetter, il est chanteur. Chanteur, un peu de guitare rythmique, mais il a une voix très très particulière qui sait monter très haut dans les aigus et redescendre très bas dans les graves avec une facilité déconcertante, franchement. Alors sur cet album, Monster Mike Welch, lui, il vient de Boston, donc côte est des États-Unis, et Mike Ledbetter, lui, vient de Chicago. Donc plutôt dans la partie nord des États-Unis, et ils se sont réunis pour faire un album là, qui est sorti ici en avril chez Delta Groove. Cet album s'appelle Right Place, Right Time, c'est-à-dire Right Place, c'est dans l'émission Telling You, et Right Time, c'est le 18h30 le jeudi sur RQC. Et moi, alors, Monster Mike Welch et Mike Ledbetter nous régalent avec un album de 12 titres et quelques invités, par exemple Sax Gordon, au clavier Anthony Gerassi. Et vous allez écouter sur le titre que je vous propose, qui s'appelle Big Mama, comme invité. Solo guitare, alors en milieu de morceau, c'est précisé comme ça, middle solo, Madame Laura Chavez, très très grande dame de la guitare, qui a accompagné notamment Candy Cane, et qu'on avait pu voir il y a quelques années à la boîte à musique. Franchement, elle m'avait impressionné sur son style de guitare, cette fluidité, cette inspiration, Laura Chavez, qu'on retrouve donc sur ce titre Big Mama, extrait de l'album Right Place, Right Time de Monsieur Monster Mike Welch and Mike Ledbetter, Big Mama. Voilà. C'était donc Monster Mike Welch et Mike Ledbetter. Monster Mike Welch à la guitare, mais également en invité Laura Chavez à la guitare sur ce titre. Et Mike Ledbetter au chant. Alors, une voix très, très originale, très, très variée quoi, dans les tons, la tonalité. Et cet album contient 12 titres. Alors, il y a des compositions de Mike Ledbetter, essentiellement, et puis un peu de Mike Welch aussi, et puis après des reprises. Il y a même une reprise de Willie Dixon. On le trouve partout, hein, ce Willie Dixon. Quel grand bonhomme, quand même. Alors, on va s'en faire un deuxième titre, extrait donc de l'album, je vous rappelle, Right Place, Right Time, chez Delta Groove. Monster Mike Welch and Mike Ledbetter. On écoute How Long Can This Go On? Keep a place to live. Et on va continuer donc avec l'agenda et Paul Lambe qui sera en Belgique. Paul Lambe, on va l'écouter d'abord et puis je vous donnerai la date de concert après. Vas-y Francis. Paul Lambe qui ne veut pas jouer pour nous ce soir. Un petit problème de platine. Allez, on change et on essaye de vous remettre ce morceau. Paul Lambe, je peux vous dire qu'il sera au Café Mon Oncle à Ploegsteert, donc vendredi. Et c'est dans le cadre de Blues en Or. Il reste deux dates jusqu'à la fin de l'année pour Blues en Or, la programmation de notre ami Patrick Dallangeville. On est parti pour Paul Lambe. C'est parti. Thank you. Paul Lamb, harmoniciste, et ses Kingsnakes au Café Mononc de Ploksterd le vendredi 24 novembre. Et la dernière date pour Blues en Or, donc avant 2018, c'est Anna Popovic qui sera à Marcq-en-Barœul. Et là, c'est pour le samedi 25 novembre. Anna Popovic, on l'écoute sur un morceau très funky. Complet, oui, Anna Popovic, c'est Sold Out, Francis. Ah, tout à fait. Dire peut-être, je t'ai enlevé. Yes, ça fait deux fois que tu me fais ça. Ben, c'est-à-dire, moi, je dis c'est complet, mais toi, tu diras sold out. Ça voilà, sera pas comme la même ça ne sera pas la même chose. On écoute Anna Popovic. Just what you need. I'm gonna take every inch of you and let you have all me. It's been far too long. Yeah, I'm gonna lose control. I'm coming home and I want you on. I'm gonna love you tonight. I said I'm gonna love you. I'm gonna love you. Alors Francis, tu m'as volé ma chute tout à l'heure parce que je voulais vous dire que Anna Popovic, le samedi 25 novembre à Marcq-en-Barœul, c'est complet, c'est sold out, et qu'il vous laisse, et il vous reste une date de rattrapage puisqu'elle sera également lundi 27 novembre au Spirit of 66 de Verviers. Ah oui, mais là c'est pas la porte à côté. Non, mais pour nos amis belges quand même, oui. Peut-être qu'on est écouté plus loin. Et par contre, je vous conseille quand même là de vous renseigner pour être certain avant de faire le déplacement que ce concert n'est pas également complet. Voilà, fini pour l'agenda pour ce soir. Et je te laisse pour le petit quart d'heure qui nous reste avec d'autres nouveautés, Francis. Alors, des nouveautés, il y en a plein, ma besace. Oui, ici, on va faire un peu de rock'n'roll. Allez, The Wild Ones, c'est un groupe belge. Ne me demandez pas d'où ils viennent, parce que je ne le sais pas. Je sais qu'ils ont enregistré leur album, là, qui s'appelle The Wild Ones. Voilà, comme leur nom. C'est enregistré à Bruxelles. Et bon, ils ont des têtes de mauvais garçons, vous savez, en cuir, le jean retroussé sur des espèces de rangers. Mais en fait, ils sont très très gentils, les White Wolves. Et je vous propose d'écouter un extrait Got My Mojo Working. C'est une chanson qui a déjà été reprise des milliers de fois. Oui. Mais ils le reprennent également très très bien. Got my mojo working, the wild ones. Got my mojo working, buddy, just don't work on you. Got my mojo working, buddy, just don't work on you. I wanna love you so bad till I don't know what to do. I'm going down losing, gonna get me a mojo hand. The Wild Ones, voilà, un groupe belge qui vous disait que leur mojo fonctionnait bien. Got my mojo working. Alors, on va passer à tout autre chose. Un groupe des États-Unis mené par une charmante dame qui s'appelle Halle Devestern. Et le groupe, c'est le Halle Devestern Band. Donc, cette dame chante, Halle Devestern. Il y a aussi M. Tom Henning à la basse, M. Rich Kulsar à la batterie, M. David Patterson à la guitare et M. Steve Jabas à la guitare et au clavier aussi. Voilà. Alors, c'est un groupe qui a sorti un album. C'est un album 5 titres. Hein. Donc c'est un album court, sorti là en juin cette année. Le Halle Devestern, c'est pas facile à prononcer, hein, Devestern Band. En fait, c'est un groupe qualifié de blues, funk, rock. Il vient de New York, New York City. Donc blues, funk, rock, voilà. Alors, il y a 5 titres, donc à mon avis, sur cet album, il y a un titre blues, un titre funk, un titre rock. Et ben moi, je vais vous en passer un qui s'appelle Hit Twice et qui est Blues Rock à de Halle Devestern Band. I got the Hey, de Halle de Verstien Band. C'était Madame Halle de Verstien qui chantait avec son band, qui chantait It Twice, extrait de leur album Keep On Playing. Et ce sera la dernière chanson de l'émission de cette semaine de Et Télé oui. New, parce qu'il est déjà 19h58 sur RQC. Et je vous rappelle que toutes ces émissions, vous pouvez les retrouver sur notre site internet, piqueblues.fr. Vous pouvez également les retrouver sur le site de la radio, www.rqc.be. Toutes les dates d'agenda également sur piqueblues.fr. Et je vous dis que les prochaines émissions, nous aurons des invités, puisque jeudi prochain, François, qui est toujours à la recherche de découvertes, viendra nous présenter ce qu'il a trouvé dernièrement. Que le jeudi 7 décembre, j'ai invité Robert qui viendra nous présenter le blues qu'il aime pour mon anniversaire. Et que le jeudi 14, Fifi, que vous connaissez bien, sera là pour une spéciale Warren Hayes. Et voilà, il va